bataille commence, Russe s'agite, la peur s'avance. Le stream s'embrasse, les viewers crient, rient de ce qu'ils veillent, la nuit s'unit. Les ennemis rôdent, l'autre s'accumule, le chaos règne, rien ne recule. Le chat explose, la pression monte, dans ce live brutal, la rage affronte. La chute des caisses, prépare-toi, rester dur, c'est la loi. Le loup des rois, la guerre s'éclate, rien de ce qu'il mène, le stream éclate. Fuse, la basse s'effondre, le feu brûle, la nuit est sombre. Les viewers vibrent, la haine monte, Russe et rude, la guerre affronte. La chute des caisses, prépare-toi, Russe et dur, c'est la loi. Le loup des rois, la guerre s'éclate, Reader's Kill Man, le stream éclate. Le sol tremble, drop final, les ennemis tombent, le combat brutal. La tension explose, le sang coule, Raiders qui lutte, jamais ne recule. Le temps s'écoule, la pression monte, Raiders qui frappe, la guerre affronte. La chute des caisses, la nuit est à nous, Russe des rois, le stream est fou. Le loup des rois, la guerre s'écrit, Raiders qui règne, le flow grandit.